indépendance française, on considérait que c'était indispensable qu'il y ait un événement à la fois scientifique et politique sur le sujet de l'Arctique, considérant que c'est à la fois la première victime du réchauffement climatique et qu'on en mesure scientifiquement et physiquement l'état d'avancement. On sait qu'aujourd'hui, sauf événement majeur, la banquise aura disparu dans les 30-35 années qui viennent. Victimes les populations, victimes la biodiversité, la moitié des poissons consommés en Europe viennent de là, pour donner ce simple exemple. Mais c'est aussi le témoin à la fois du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, mais le témoin des pollutions industrielles de l'hémisphère nord, le reste de la planète, mais d'abord l'hémisphère nord, et un certain nombre de pollutions organiques indiscutables, carbone. C'est en même temps un acteur considérable pour le reste de la planète, puisque l'essentiel des grands échanges, des grands courants océaniques et des grands échanges climatiques en caractère air sont dans la relation pôle-équateur. On voit bien l'évolution considérable liée à... C'est plus une affaire locale, puisque les conséquences sont absolument totales sur le reste de la planète et les habitants de la planète. Et puis enfin, c'est le miroir, puisque vous savez que les caractères de réflexion, c'est-à-dire réfléchir, la chaleur est considérable sur la banquise, c'est près de 50% pour 3-4% pour les essaims. Donc on est sur quelque chose qui est l'endroit de la plus grande, la plus rapide évolution de la planète. Mais par ailleurs, l'évolution climatique ne se fait voir de manière aussi importante qu'à cet endroit-là. Et puis, c'est un symbole extraordinaire parce que la banquise, ça se voit et ça se comprend physiquement. Et donc, il y a une capacité à toucher l'opinion publique, et donc, par l'opinion publique, les dirigeants politiques, économiques de notre planète, qui est tout à fait considérable. Et puis enfin, c'est un endroit où se touche, presque peuvent se tendre la main des grandes puissances du monde. La Russie, l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, on voit bien que voilà, c'est presque autour de cet endroit qu'on peut se donner la main sur ce sujet-là. En fait, et tout problème politique ensuite découle de ça. Le pôle, l'Arctique, c'est la maison commune. Quelle réponse politique à un problème de maison commune, sachant que dans cette maison commune, il y en a qui sont plus près que d'autres, qui ont plus de conséquences de d'autres, ou plus de capacité à agir. Enfin, il y a cette idée que ça peut devenir un très dangereux Eldorado, à la fois un Eldorado, bien à certains égards, pour certaines populations, et puis avec un risque tout à fait considérable. Et on voit bien que derrière ça, il y a deux débats. L'un qui est facile à trancher, c'est une décision, l'autre qui est plus compliqué. Le premier, c'est il y a une accélération des données scientifiques et des équipes de de recherche depuis deux ans et demi, l'année polaire en gros. On a 250 programmes, il y a 70 stations, il y a des milliers de scientifiques. Il faut absolument que ce soit mis en réseau. Il n'est pas imaginable, comme le disait le professeur Edouard Barre du Collège de France ce matin, qu'il y ait des données scientifiques non partagées, connues et non partagées. Ça n'a juste pas de sens. Il faut deuxièmement que les axes de recherche soient définis un peu en sillon commun, en tous les cas de manière coordonnée. Et troisièmement, il faut que les données soient homogènes. Que la nature des données soit homogène. Et là, je crois qu'on peut conclure à la demande des scientifiques, à la nécessité et notre volonté. Et de la France, il y a la République tchèque, puis nos amis suédois, puis enfin, la commission qui va, à la suite de cette réunion de travail, faire une proposition. Puis le conseil de l'Arctique avec la présidence norvégienne, je crois que nous pouvons affirmer notre décision de mettre les moyens nécessaires à ce qu'il y ait ce réseau mondial des observations. Je propose qu'on travaille à partir de cet après-midi sur les conséquences techniques et financières de cette décision indispensable pour l'avenir de l'humanité. Je crois qu'on peut dire cette décision maintenant. Et puis un deuxième aspect qui est, au fond, en termes d'action publique, et il y a toute la palette de nuances de ceux qui disent nous avons tous les instruments, à ceux qui disent oui mais il nous en manque un grand qui serait en gros un grand traité, et puis ceux qui disent finalement le vrai grand traité ça sera Copenhague. Voilà à peu près la palette. Est-ce que ça s'est terminé sur l'intervention, enfin presque terminé, d'une ONG qui représentait, d'une certaine manière, pas commencé par les dire précisément, mais des agents disant, au fond, le grand rendez-vous, c'est le paquet qui imagine l'énergie européenne, un des acteurs de l'histoire, et puis le grand paquet climat énergie, enfin Copenhague, le rendez-vous de la planète avec elle-même. Parce qu'au fond, au fond du fond, comme le disait la représentante de Finlande, la ministre finlandaise, elle-même, la gouverneure de Laponie, c'est extraordinaire de parler de ce qu'on croyait être chez nous à Monaco. C'est donc, on est bien sur la maison commune qui engage le reste de la planète. L'équateur sera différent quand il n'y aura plus le rapport avec le frigo du Nord. C'est une absolue évidence. Donc on est sur quelque chose qui a à faire avec le reste de l'humanité, indépendamment des réalités très, très globalement régionales. Donc, beaucoup d'entre nous rêvent d'un traité, en fait. Mais un traité, pour quoi faire ou pour quoi dire, c'est toute la question. Je crois qu'elle ne se posera qu'après Copenhague. En réalité, où nous réussissons Copenhague, au moins sur la partie climatique et atténuation, et pourquoi pas une partie complémentaire, de même qu'il y a la déforestation de l'Amazonie d'Afrique, on voit quelque chose de complémentaire sur l'atténuation, notamment pour les populations autochtones, ou les conséquences sur la biodiversité. Mais c'est vrai que nous avons entendu aussi des politiques dire ici que mettre en place de nouveaux outils serait vécu comme une provocation. Le mot a été utilisé. Donc pour éviter de créer des tensions inutiles, je crois que voilà, il faut considérer que cet espace fait partie du bien commun de l'humanité et que nous avons ce rendez-vous sur les biens communs de l'humanité à Copenhague en décembre, et que notre tâche doit être très, très, très fortement axée là-dessus. Voilà, moi, ce que j'ai retenu de cette très intéressante séance de travail de ce matin.